Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. En parade. C'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Une émission que vous propose, que vous présente Michel. Et cette émission est pour les mordus du dépluyant. Commencer l'émission, la première émission 2019, eh bien nous allons commencer par un paso doble et c'est Denis Zambach qui nous interprète le paso de Régis. Thank you. Merci à Dominique Marini qui vient de nous interpréter ce passe-double. Et maintenant, c'est un vieux camarade, Jo Courtin. Continue. C'est un sympathique jeune homme qui nous vient de Vesoul, qui vient de nous faire valser. Bien sûr que c'est Accordéon Parade que vous écoutez. Et vous êtes en compagnie de Michel. À toutes fins utiles, je vous rappelle qu'Accordéon Parade est rediffusé le mardi à partir de 10h. Et maintenant, on va écouter une merveilleuse valse interprétée par Tatave Gutwieser, gracieusette Monsieur Gutwieser. Et on continue toujours avec un sympathique jeune homme qui nous vient de Suisse, c'est René de Thibourg. We'll be right back. Et après la valse que vient de nous interpréter René de Cibourg, nous allons faire un petit tango interprété par un autre accordéoniste, c'est Pascal Loubersac. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur Sorgia FM, les 91 MHz, les 91 MHz également. Tous les dimanches, de 9h à 10h, c'est Accordéon Parade, une émission que vous propose, que vous présente Michel. Une émission pour les mordus du dépliant. Pour les amoureux de l'accordéon. On continue dans la valse. C'est à toi, Gilbert, de nous jouer une petite polka. Thank you. Merci à Adolphe de Prince de nous avoir interprété un de ses morceaux, une de ses dernières compositions, Calaisiana. C'était Monsieur Adolphe de Prince. Merci pour ce Musette des campagnes et c'était André à l'accordéon. Merci, bien joué, beau morceau. Et maintenant, eh bien, on va écouter un morceau de 1936 qui a été créé par M. Émile Prudhomme, le peintre des montagnes, mais version la bande à Bardet. J'ai payé un tempérament. J'avais pris une grande échelle qui était toute verte. Alors j'ai ramassé une paix et je suis tombé sur le oh, oh, oh. Je barbouille par-ci, je barbouille par-là. Qui connaît ma boîte à outils en bois de Panama, des îles d'Haïti à Troussabouana. Je sens comme une force qui m'enchante. Je fais claquer mes doigts d'un air magique qui m'entraîne dans la danse féerique de ces chants fantastiques. Il m'emmène par-delà les montagnes où les toreros ont beaucoup de charme. Les danseurs chantent et s'élancent au rythme du passe-double qui danse. Et tous ensemble nous allons crier bien fort olé. C'est moi Carmen, la danseuse aux castagnettes. Et quand je joue, tous les danseurs du bal musette sont transportés là-bas, vers l'Espagne, où l'on fait la fiesta et vive la corrida. Quand je chante et je danse avec mes toilettes, mes castagnettes vibrent et pour ça je suis prête. Venez voyager, chanter et danser au son des rythmes endiablés, criant bien fort, olé! Quand je chante et je danse avec mes toilettes, mes castagnettes vibrent et pour ça je suis prête. Venez voyager, chanter et danser au son des rythmes endiablés, criant bien fort, olé! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur Sorgia FM, comme tous les dimanches, de 9h à 10h, c'est Michel qui vous propose Accordéon Parade. Et voilà 35 ans que ça dure. 9h, 10h. 10h-11h, c'est le mardi, la rediffusion de l'émission. Une émission 100% musette pour les mordus du dépliant. Puis accordéon parade, c'est le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Et c'est pour les amoureux du musette et de l'accordéon. Maintenant, nous allons traverser l'Espagne avec Thierry Monico et son accordéon. Thank you. Oui, et on continue toujours dans la valse avec un petit poisson. Un petit poisson, un petit oiseau, et c'est Dominique Floquet qui nous interprète ce merveilleux morceau. Le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait bien plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Ses plumes en écaille, les ailes en chandail et les algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Merci à Monsieur Guy de nous avoir, avec son accordéon, charmé dans cette merveilleuse valse de Monsieur Marceau. C'était la valse des flocons. Allez, on continue accordéon parade avec Papy Sonnette. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien voilà, accordéon parade, c'est fini pour ce premier dimanche de l'année 2019. Je vous rappelle qu'Accordéon Parade est rediffusé le mardi à partir de 10h. Et puis que vous pouvez écouter Accordéon Parade en podcast sur Internet, bien sûr. C'est une émission que vous a proposée, que vous a présentée et qui a réalisé cette émission, c'est Michel. Du bonheur. Je vous souhaite une bonne semaine, plein de bonheur, de santé pour 2019. Et à bientôt, bye bye, bon dimanche et bon mardi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est dimanche. Et tous les dimanches, sur les 91-91 MHz de votre radio sympathique, vous retrouvez Michel. Pour une heure de détente, une heure de bonheur. Je pense que vous avez bien commencé l'année, que vous avez la forme, prête à recommencer le travail. Alors, avec la compagnie créole, je vais vous souhaiter bonne année, auditrice, auditeur de Sorgia FM, du bonheur, de la santé, que tout aille bien en 2019. Les fous. Bonne année, meilleure fête, la Marianne. Embrassons-nous, l'année sera bonne. Que le champagne commence à couler. La nuit de la Saint-Sylvestre est une nuit de folie. La nuit de la Saint-Sylvestre, tous les rêves sont permis. De meilleur et cesser de te plaindre en regardant ailleurs. Il y a pour tout le monde un petit coin de ciel bleu. Il suffit d'ouvrir tout grand les yeux. Un rayon de soleil, un je t'aime, une fleur, ça fait déjà partie du bonheur. Un enfant qui sourit en découvrant la vie, ça fait encore partie du bonheur. Des amis, des copains qui vous tendent la main, ça fait toujours partie du bonheur. Être deux dans la vie et s'en faire une amie, c'est ça le secret du bonheur. On a tous des moments où notre ciel est noir. Il ne faut pas pour autant que l'on perde l'espoir. On a tous dans le cœur un petit coin de paradis, bien caché à l'abri de la vie. Un rayon de soleil, un je t'aime, une fleur, ça fait toujours partie du bonheur. Un enfant qui sourit en découvrant la vie, ça fait encore partie du bonheur. Des amis, des copains qui vous tendent la main, ça fait encore partie du bonheur. Être deux dans la vie et s'en faire une amie, c'est ça le secret du bonheur. Plus tard, quand on sera vieux, on fermera les yeux. On se dira quand même que la vie était belle. On a eu nos ennuis, on a eu nos soucis, mais il nous reste encore aujourd'hui. Un rayon de soleil, un je t'aime, une fleur, ça fait toujours partie du bonheur. Un enfant qui sourit en découvrant la vie, ça fait encore partie du bonheur. Des amis, des copains qui vous tendent la main, ça fait toujours partie du bonheur. Être deux dans la vie et s'en faire une amie, c'est ça le secret du bonheur. Être deux dans la vie et s'en faire une amie, c'est ça le secret du bonheur. C'est Monique qui vient de nous livrer le secret du bonheur. Still is

sombrant la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, joyeux triolets de l'accordéon fuse. Les lampions éclairent discrets, les couples guilleraient en leurs ombres confuses. On dit que ce soir le costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent est sorti très gai, est-ce vrai? Oui, mais... La guinguette avait mis ses volets. La guinguette avait mis ses Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. La lune voit se refléter dans l'ombre, dans le beau miroir du lac de Bassivière. La beauté de sa longue tresse blonde, Bassivière, Bassivière, paradis sur la terre. Bassivière, Bassivière, entre bois et bruyères. On était jeune âge, dans ton eau bien claire, chaude comme un baiser de la bergère. Qui vivait à Mergou, village de naguère, qui fut englouti par Bassivière. Un vieil accordéon qui égrène une valse célèbre, bruyère corrézienne. Adieu troubadour, j'ai de la peine. Merci à Serge Berry qui vient de nous amener dans le Massif Central à Bassivière. Parfois je pense à toi dans les voitures,

que vous vous êtes bien défoulé les jambes le dimanche matin. Et vous pouvez recommencer mardi à partir de 10h. Madame Magnin, Martine, André, puis d'autres auditeurs auditrices m'ont souhaité m'ont présenté leurs meilleurs vœux pour l'année 2019 de la santé et que ça dure longtemps pour nos bonnes émissions que nous faisons sur GFM. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je vous rappelle, avant de se quitter, que vous pouvez nous écouter toute la semaine sur Popcast Internet. Bon dimanche, bonne semaine et bon mardi. Ha ha ha!